فهل نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ Est-ce qu'on va dire السلام عليك, que la paix soit sur toi, au prophète, ou alors on va dire que la paix soit sur le prophète? قال العلامة النبيز رحمه الله الأفضل أن نقول السلام عليك أيها النبي. Et donc le très savant Ibn Baz rahimahullah, aussi Al-Lajna Da'ima, ils disent donc le mieux c'est de dire assalamu alayka, que la paix soit sur toi ô prophète, wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa dhalika li anna hadha al-lafz huwa alladhi 'allamana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iyyahu. Pourquoi? Parce que ces termes là ce sont les termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. En ce qui concerne le fait de dire, ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqal assalamu ala an-nabi fa hadha ijtihadun. Donc en ce qui concerne le fait de dire que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire que la paix soit sur le prophète, alors ceci est un effort de jurisprudence. Mais ce que le prophète il nous a enseigné, c'est de dire que la paix soit sur toi, assalamu alayka ayyuha النبي ورحمة الله وبركاته. فهو دعاء بأن يسلمه الله تعالى من كل شر. Et donc c'est une invocation pour que Allah le préserve de tout mal, qu'il lui fasse miséricorde, يرحمه وكذلك يبارك فيه, et qu'il le bénisse. ثم قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Que la paix soit sur nous ainsi qu'aux serviteurs d'Allah pieux. فَهَذَا مِنَ الْأَدَبْ فِي الدُّعَى. Et donc cela fait partie du bon comportement dans l'invocation. أَخْرَجَ التَّرْمِذِيُ فِي الْجَامِعِ عَنْ أُبَيْ بْنِ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَنَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَ لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. التَّرْمِذِي il cite dans son jami' selon Ubay ibn Ka'b, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il citait quelqu'un et qu'il invoquait pour lui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par sa propre personne. Voilà pourquoi on voit ici, assalamu alayna, que la paix soit sur nous, wa ibadillahi salihin. Et après on cite les serviteurs d'Allah qui sont pieux. Fal insan idha da'a yabda'u bi nafsihi. Donc l'esprit humain, l'individu, lorsqu'il invoque, il commence par sa propre personne. Thumma kalimatu tawhid. Et ensuite, la parole du monothéisme pur. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Fa'ajaban. Liman yadhkuru hadha at-tashahhud kull yawm marrat. Thumma yadhhab yushrik billah. Et donc c'est vraiment surprenant de voir ceux qui vont faire le tashahhud tous les jours, plusieurs fois. Et ensuite ils vont aller donner des associés à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on médite sur les différents termes, les différentes paroles qu'on va prononcer durant cette salat? Est-ce qu'on médite un peu? Et enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit donc dans ce tashahhud à la fin, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Fa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam la yadurruhu ma yaquluhu wa yaf'aluhu as-sufaha. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que ce que font et ce que disent tous ceux qui sont vils le concernant, tout cela ne lui fait pas de tort, ne lui fait pas de mal, sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Allah Ta'ala, il l'a élevé. وَأَعْدَاؤُهُ حَاسِدُونَ. Et ses ennemis sont jaloux. فَإِنَّكُمْ لَا تَجِدُونَ رَجُلًا وَاحِدًا فِي تَارِيخِ الْعَالَمِ كُتِبَ فِي سِيرَتِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَفَضَائِلِهِ كَمَ فُعِلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et certes, vous ne trouvez pas dans l'histoire du monde un homme, vous ne trouvez pas dans l'histoire du monde un homme pour lequel